On était à la. Ouais, ça a gavé. Ça a gavé ? Oui. C'est à côté de l'usine. On n'est jamais allé là. Et ça t'invoque quoi là ? Mais ouais. C'est quoi la vue sur le chantier, c'est ça ? On voit tout le chantier ? On voit. EDF ? Tout le projet EDF ? Tout le projet EDF. Le tunnel. C'est pas l'entrée du tunnel qu'on voit de l'autre côté ? Ouais, je sais plus. Je sais plus, t'en avais plus. Oui, c'est la Romanche. Oui, ça c'est la Romanche. Et donc on demandait la... aux enfants, est-ce qu'ils vont se baigner, est-ce que... Mais non, c'est plutôt le synonyme de danger. Hein, parce qu'ils... Ah oui, c'est dangereux. Ah oui, non, mais il y en a beaucoup qui sont allés se baigner. Oui, mais c'est quand même dangereux. Oui, mais je sais qu'ils vont se baigner, Santo, mais c'est dangereux. Ils vont tous se baigner dans la Romanche. Bah, et à l'époque, avant qu'ils enlèvent le barrage de ces Chiliennes, là, ils allaient carrément sauter du barrage... Ah oui, c'est pas ce que vous nous dites, hein. Ouais, mais c'est dangereux, nous on a peur. Bah parce que toi t'es jamais allé, mais il y en a qui ont pas peur, qui y vont. Après, ouais, voilà, ils vont à certains endroits où ça craint un peu moins, voilà. S'il y a des lâchers, où ils peuvent quand même remonter, ils vont pas non plus, ouais, voilà. Ouais, mais genre à la Seigneur au pont, genre c'est trop dangereux. Ah ben bah oui, non, voilà. Mais pas là, la Seigneur. Oui, voilà, il y a des, voilà. Y a des endroits. Et c'est quoi les endroits où c'est moins dangereux? Bah c'est là où il y a les plus grosses retenues d'eau, après... Moi, je sais qu'au pied des champs, là, justement, juste avant les claveaux, et ben, ça fait une jolie petite retenue. Et après, on peut facilement remonter tranquillement dans la forêt sans problème, quoi. D'accord. Alors non, c'est pas encore baigné, mais de temps en temps, on va se poser. On reste près un petit moment. Près de la Romanche. Près de la Romanche. On est tranquille, on bord de l'eau. C'est où ça? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est pas au Clos, ça. Oui, je crois que oui. La dernière c'est... maison qu'il y a, tu sais, avant les chemins pour monter après au porcelet. C'est ça. Ça, c'est mon ancien bâtiment où j'habitais. On n'en voit pas du coup, là où j'habitais. Vous avez choisi de venir vivre ici ? Bah après, un peu par la force des choses, parce qu'on a vécu 10 ans à Uriage avant d'atterrir ici. D'accord. Donc, quand je disais à mes clientes, parce que moi j'étais une ancienne coiffeuse, enfin, je suis ancienne coiffeuse et je travaillais à Uriage, et quand je disais que je venais d'ici, mais ça va pas, vous êtes dans la vallée de la mort. Ouais. Je dis non, mais ça a changé quoi, c'est plus comme avant, il n'y a plus la grosse fumée, même si l'usine de Ferropène en fait un petit peu, ça impacte pas toute la vallée, c'est que ça reste pas longtemps, donc ça va quoi. Et puis on a du soleil, et puis franchement, à 6h15 quand il part, ça ne me dérange pas parce qu'on est bien tranquille sur la terrasse. Ouais. Parce qu'en bas, quand je vais chez ma maman et chez Rol, on peut même pas profiter. Pas donc profiter. On l'a suffisamment. Donc voilà. Moi je suis contente d'être. Après voilà, ça s'est fait. Toi, hein. Coucou mon grand. Ça s'est fait parce que des amis ont trouvé une maison ici et que Uriage, ça m'est cher parce que la grande arrivée. Donc voilà, après. Bon. Ouais. Mais coup, c'est et bon. Puis on a la vallée d'à côté, on est des Matézins, donc voilà. Les montagnes, ça me gêne pas, j'adore ça. Donc ça, ouais, c'est le bar Le Taillefer. Qui fonctionne ou pas ? Plus maintenant, il a fermé il y a un mois. Ah, d'accord, il a fermé il y a un mois. Il y a un mois parce que la personne est traiteur aussi à côté et tout. Et puis voilà, après. Et on sait si quelqu'un va reprendre ? Je sais pas du tout pour l'instant, je sais pas s'il y a eu des appels d'offres ou quoi que ce soit fait de la mairie, donc là, je pourrais pas le dire. Il y a un peu une désertion des commerces. Tu vas où ? Un petit peu, ouais, c'est dommage. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un petit peu dommage, c'est vrai. Donc, du coup, ça appartient à quelqu'un ou c'est... Je ne sais pas. Ça ne sais pas c'est vous des dire. Photos que... Alors, que certains d'entre nous ont pris, on n'était pas tous là quand on les a pris. Même là, je ne vois pas du tout où c'est celle-ci. Donc, ça, c'est... Ça, je me demande si c'est pas le barrage à Rioux. Oui, ça, c'est le barrage à Rioux. Comment il s'appelle déjà ça, le canal. Derrière le canal, bon, là-bas derrière. Ça, c'est ça, Ryuko aussi, c'est juste un peu avant l'entrée de là, ouais, du canal. Ça, c'est où? C'est à la descente. Alors, ça, c'est. Soit la descente des Roberts, ou soit la Salinière, du coup. C'est pas la Salinière, ça? C'est la Salinière. C'est en bas, c'est la Salinière. C'est en bas de la Salinière. Ouais. Et là, c'est pas des endroits où vous allez vous promener de ce côté-là. Quand on longe la montagne vachement plus haut, on le voit tout le long. De toute façon, on longe la Romanche. Il y a un chemin en fait. Ouais, parce que l'UT4M passe par là. Pas passer parce que cette année, ils ne le font pas. L'UT4M, C'est un trial de course en fait, des quatre massifs. D'accord, je ne connais pas. Et comment vous écrivez ça? U-T-4-M. Voilà. D'accord. C'est les quatre massifs en fait. Ils partent de Vif, ils montent par. Je ne sais plus quel massif c'est le côté, pas le Vercors, je ne sais plus. Ils arrivent après du coup sur la Morte, d'accord, l'Alpe du Cancer, ils redescendent sur les Clos, d'accord, tous des chemins tracés et tout. Et il y a le vertical qui part là juste derrière la maison, d'accord, et qui va jusqu'au plateau de l'Arcène. Et après ils redescendent, enfin voilà. D'accord. Il y a quatre massifs en tout. Et donc ils passent par là. En fait, Et ben mois d'août, normalement, il y a le gros week-end où justement, et ben il y en a qui dorment là parce que quand ils ont fait 40 ou 80 km, ils sont obligés de faire une pause s'ils le font tout seuls. S'il y a un relais, il y en a un autre qui repart. Donc dans la nuit, on va les petites lumières monter. D'accord. Là. Donc cette année, ils le font pas, je sais plus, parce que ça se passe à un autre concours aussi qu'il y a ailleurs et du coup, ils le font pas. Et ils ont vu du coup sur le. C'est un peu comme les passerelles de Monténard. D'accord. Voilà, c'est un peu le même système. Bon, là, c'est beaucoup plus gros et. C'est notre maison. Ouais. Ah. Notre maison, non, c'est...